semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Soumission aux lois ou obéissance à un rituel pour garantir l'ordre social? Que pouvons-nous apprendre du ritualisme, de ces formes d'organisation des rapports sociaux parmi les plus anciennes? Que nous enseigne le cas du Burkina Faso et de l'hétérogénéité de la loi en Afrique? Qu'est-ce que l'école de la loi en Chine? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, est très attaché à l'approche transnationale et transdisciplinaire des questions posées par la mondialisation et la révolution numérique qui bouleversent aujourd'hui nos sociétés et nos institutions. Aussi nous propose-t-il, dans le cadre de sa série consacrée au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres, de nous pencher sur l'école des lois dans la culture juridique chinoise. Penser un ordre en termes de loi n'a en effet rien d'universel, explique-t-il. Dans de nombreuses sociétés, c'est l'observance de rituels qui assure le bon ordre et non l'obéissance à des lois. Alain Supiot ouvre sur l'exemple des difficultés de traduction rencontrées dans de nombreuses langues africaines pour incorporer cette loi arrivée avec la colonisation. Si le cas chinois est particulièrement intéressant, souligne-t-il encore, c'est parce que les institutions impériales sont nées d'un conflit, puis d'une combinaison du ritualisme et du légalisme. Cette symbiose est à l'œuvre dans de nombreux traités classiques chinois sur l'art du gouverner, qui se sont efforcés de tempérer par le ritualisme la dimension proprement totalitaire du légisme. Et aujourd'hui encore, le légisme continue de percer sous le vernis confucianiste qui enduit l'économie socialiste de marché de la République populaire de Chine. L'approche d'Alain Supiot invite donc à ouvrir le regard. Dans la version publiée de son cours chez Fayard, le juriste remarque que chaque civilisation prête spontanément à ses catégories de pensée une universalité qu'elles n'ont pas. Les Occidentaux y sont d'autant plus enclins que grâce à leur technoscience, ils ont dominé depuis 3 siècles le reste du monde. Cette période est en train de se clore, nous dit-il encore, il leur faut désormais compter avec d'autres manières de concevoir l'organisation des sociétés humaines. Face aux déclinistes, n'y a-t-il pas dans les rencontres et les dialogues un lieu pour innover et répondre aux défis de la globalisation? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 28 février 2013, autre point de vue sur la loi, ritualisme et légalisme. On va faire une petite excursion en Chine, mais dans l'histoire des institutions chinoises, dans une période assez reculée, celle de la fondation même de l'Empire. Alors, ce chapitre, je l'ai intitulé « Point de vue chinois sur le gouvernement par les lois, ritualisme et légalisme ». Si je m'autorise ce petit passage par la Chine, c'est pour nous aider à comprendre que penser un ordre en termes de loi, un ordre humain, institutionnel, n'a rien d'universel. Dans de nombreuses sociétés, on pourrait même dire sans doute anthropologiquement, historiquement, dans la plupart des sociétés, ce n'est pas la soumission aux lois qui est la clé d'un ordre social, mais c'est l'observance de rituels. C'est l'observance de rituels qui assure le bon ordre et non l'obéissance à des lois. D'où les difficultés de traduction rencontrées par exemple dans de nombreuses langues africaines, qui étaient des sociétés qui marchent au rituel, pour incorporer cette notion de loi qui est arrivée avec la colonisation. J'en dis un mot et nous nous arrêterons après ce brève introduction africaine. Je m'appuie ici sur une analyse de Madame Bagnou-Liberski qui concerne les langues voltaïques. Ces langues connaissent d'un côté des interdits, des observances rituelles qui sont hétéronomes et échappent à la volonté humaine. C'est ce qu'en moré on appelle kiksu. Et d'autre part, des édits, des paroles humaines, qu'en moré on appelle noré, qui renvoie à l'idée de bouche, qui sont une source d'obligation parce qu'elles émanent d'un détenteur de la force. En moré, un autre mot utilisé pour désigner la loi, panga, est aussi utilisé pour désigner la force et la violence illégitime. Donc, si vous voulez, il y a d'une part un ordre de règles hétéronome qui échappe à la volonté humaine, et puis d'autres choses qui expriment une volonté humaine à un moment déterminé. Et entre les deux, il y a une catégorie intermédiaire qui est celle de prescriptions imputées à des ancêtres qui ont introduit une modification dans un rituel et acquis la même autorité que celui-ci. Alors, d'où la difficulté à l'époque contemporaine de traduire l'idée d'une loi devant s'imposer à tous, car émanant de la volonté du peuple. Comment introduire cette notion dans un champ sémantique comme celui-là ? Danuta Bagnou donne l'exemple d'une controverse qui a surgi récemment, enfin il y a quelques années, au Burkina Faso. Soucieux, alors au Burkina Faso, les dirigeants avaient la mauvaise habitude de changer la constitution très souvent, remarquez, ils n'ont qu'à prendre l'exemple de la France, sur ces, mais de façon à prolonger la possibilité pour les présidents de se faire réélire. Et soucieux d'affirmer l'intangibilité de la constitution face à l'habitude prise par ses dirigeants, des journalistes ont utilisé pour désigner la loi fondamentale, la constitution, le terme moré tenkugri, qui désigne une forme particulièrement redoutée de l'instance terre et renvoie donc à la face sacrée de l'interdit. Donc le droit constitutionnel, au moins, était renvoyé. Et cet usage linguistique a été critiqué comme antidémocratique, car visant à soustraire à la volonté humaine le nombre de renouvellements possibles du mandat présidentiel. Vous voyez ici la difficulté dans des systèmes de pensée où ce qui fonde l'ordre, c'est d'abord l'observance des rituels, d'introduire notion de loi. Si je commence par un clin d'œil à l'Afrique, c'est que nous avons affaire avec l'Afrique noire, à des civilisations au demeurant extrêmement diverses, mais qui, pour l'essentiel, sont organisées sur une base de ritualisme et non de légalisme. Et c'est, vous le savez, un trait commun avec la Chine, ou de ce qu'on nous apprend en tout cas de la Chine, où le ritualisme a joué avec le confucianisme un rôle toujours très important. Mais la pensée chinoise ne se résume pas au confucianisme, et il faut notamment tenir compte, dans le domaine juridique, de l'influence du taoïsme. Selon le taoïsme, la seule loi qui existe est la loi de la nature, enfin c'est une traduction très imparfaite, donc du Tao. Et l'univers est perçu comme un système autorégulé par un jeu de force, de création et de destruction, si bien que, aux yeux des taoïstes, ni les ordonnances royales, ni les rites n'ont véritablement de fondement moral. Et c'est dans le sillage du taoïsme que s'est développé en Chine, à l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire au 6e jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque de lutte féodale et de désordre, s'est développé une théorie politique qui, contrairement au confucianisme, confère une place exclusive au gouvernement par les lois, ce qu'on a appelé l'école des lois, le fakia. La doctrine des légistes a été la base de la fondation du premier empire, la dynastie des Qi. Alors soyez très indulgents sur mes prononciations, je ne suis absolument pas sinologue. Mais c'est ce personnage, alors je ne garantis pas non plus l'exactitude de la représentation, qui est considéré comme le véritable fondateur de l'Empire de Chine, qui va donc durer sous des formes, sous des avatars multiples, jusqu'au début du XXe siècle. Et cet empereur a laissé un mauvais souvenir parmi les Confucéens parce qu'il était un adversaire résolu de... Il était un de leurs adversaires résolus, et cette adversité s'est exprimée dans des autodafés, des écrits confucéens, au milieu desquels il a fait brûler d'ailleurs un bon nombre d'entre eux. Donc, il a gardé une certaine mauvaise image, mais il a aussi été le premier à organiser la Chine autour d'un pouvoir bureaucratique, centralisé, gouverné par des lois uniformes, dont on peut dire sans trop d'exagération qu'il est demeuré un modèle de gouvernement jusqu'à la période contemporaine. Les principaux théoriciens du légisme, Zhang Yang, Shen Dao et surtout Han Sei Tse, sont aussi connus en Chine que Confucius ou Lao Tzu. Et leur œuvre a été analysée et connue en France grâce notamment aux travaux d'abord d'Henri Maspero, de Jean Escara, qui était dans l'entre-deux-guerres le grand juriste français sinologue, et dans la période contemporaine, de Jean Lévy, et surtout de Léon van der Merch, dont l'ouvrage sur la formation du légisme constitue, pour ce chapitre, une source essentielle. Alors, je vous ai dit que le légisme est issu du taoïsme, et cette doctrine s'est donc constituée contre le confucianisme et son idéal d'un gouvernement par les hommes, fondé sur le ritualisme et la culture de la vertu. Mais dans la vision confucianiste, la clé du bon ordre se joue dans l'incorporation par les hommes de la place qu'il a à la leur et des comportements qui correspondent à cette place. C'est donc une forme de ritualisme, et la loi n'est applicable, n'a d'intérêt que pour ceux qui sont incapables d'incorporer en eux-mêmes ces règles du savoir-vivre. La loi concerne donc plutôt les barbares, c'est-à-dire soit les classes les plus basses de la société, soit ces populations qui vivent dans les franges de l'Empire. Et cette loi qui s'applique aux barbares, c'est essentiellement la loi pénale. Et ce qui est connu d'abord, ce qui est au centre de la réflexion politique chinoise, c'est la loi pénale. Et il n'y a pas en Chine de tradition, d'équivalent de la notion de loi civile. C'est un point très important pour comprendre l'histoire et le cheminement de la doctrine légiste. Alors, pour distinguer à grands traits légisme et légalisme, je vais me reporter ici à ce qu'en dit Léon van der Merch dans ses écrits sur qui sont cités ici dans les études sinologiques. Il a un chapitre sur cette distinction et on peut en retenir les caractéristiques, les quatre traits principaux. Le premier, c'est que les rites agissent de l'extérieur. Autrement dit, le ritualisme repose sur l'idée, je cite ici van der Merch, qu'il n'est pas possible d'insinuer des actes mauvais dans un moule de formes correctes si ces formes sont suffisamment prégnantes. Autrement dit, contrairement au légalisme, le ritualisme ne vise pas à peser directement sur l'autonomie de la volonté humaine, mais à contrôler la manière dont elle s'exprime. Une personne bien élevée ne va pas déverser sur vous des torrents d'injures, il trouvera les mots adaptés, courtois, pour vous faire savoir éventuellement à quel point il vous vomit. Mais il le dira dans des formes irréprochables et qui ne lèsent en rien l'harmonie sociale. Donc ça, c'est une première caractéristique, action de l'extérieur. Deuxième caractéristique, à l'idée de liberté, qui dans la tradition juridique occidentale est perçue comme une autonomie inconditionnée, répond dans le ritualisme l'idée de spontanéité. Et la spontanéité est une autonomie faite de l'intériorisation du conditionnement par les formes rituelles. Là aussi, il faut saisir cet écart et, pour aider à le comprendre, m'est venue à l'esprit une remarque de Nietzsche. Nietzsche écrit, je crois que c'est dans le Gai Savoir, « Avec une très forte voix dans la gorge, on est presque hors d'état de penser des choses subtiles. Si je braille, plus je hurle, moins je pense subtilement. » Et pour comprendre la compatibilité, donc si je me force à parler d'une voix posée, j'ai plus de chances de revenir dans l'orbe de la pensée. Et pour comprendre la compatibilité de ce conditionnement avec la spontanéité, on pourrait évoquer ici le geste du calligraphe, ou bien la versification en alexandrin, où l'on voit que non seulement le respect d'une forme hétéronome n'est pas incompatible avec la créativité, mais qu'il peut même la provoquer dans les deux sens du verbe provoquer, à la fois comme origine et comme défi. Pensez ici par exemple à ce roman de Georges Perec, La disparition, où l'auteur s'oblige à ne pas user de la voyelle « e ». Donc vous vous donnez cette norme extérieure et cela n'interdit pas quelque chose qui va être de l'ordre de la spontanéité. Troisième caractéristique qui permet de distinguer légalisme et ritualisme, l'idée de dignité humaine se retrouve dans les deux cultures. Mais dans le ritualisme, elle se traduit par le respect dû à autrui, quelle que soit sa position sociale. Alors je cite ici un extrait des mémoires sur les rites cités par Van der Merch. « Ce qui résulte de la discipline des attitudes par l'application des rites, c'est le respect, et c'est du respect que résulte le prestige. » Autrement dit, le respect qu'on inspire est à la mesure du respect qu'on témoigne. Il n'y a pas, écrit Van der Merch, de rite qui soit irrespectueux. Quel que soit le statut qu'il consacre, si bas que se situe ce statut dans la hiérarchie sociale. Et enfin, quatrième caractéristique, là où la dignité dans la culture juridique occidentale est conçue comme inhérente à la liberté et source de droits individuels, elle se traduit dans le ritualisme en termes de devoirs réciproques. Autrement dit, à la synonymie qui relie, nous en avons parlé la semaine dernière, le droit avec un D majuscule, le grand droit, pour parler comme Carbonnier, comme cadre normatif, et les petits droits, les droits individuels comme prérogative, attribués à chacun, répond celle qui relie dans la langue chinoise le yi, yi comme forme rituelle, et le yi comme devoir de respect. Donc, voilà un peu caractériser ces deux formes. Toutefois, légalisme et ritualisme ne doivent pas être pensés sur le mode binaire d'une opposition, car ils se combinent en pratique dans toutes les cultures. Ce fait nous échappe car nous sommes enclins à les opposer et même à voir dans les rituels une forme archaïque et dépassée. Vous me direz, j'ai même lu sous la plume d'un éminent anthropologue que l'inceste serait un archaïsme. Alors donc, nous rejetons tout dans l'archaïsme. Autrement dit, nous inscrivons spontanément leurs relations dans une histoire linéaire qui aurait vu la légalité succéder à la ritualité. Nous sommes pris ici dans notre propre philosophie de l'histoire, celle d'un progrès qui se traduirait en matière d'actes juridiques par un recul du formalisme au profit du consensualisme. Et l'histoire du droit romain offre une sorte de prototype de cette lecture historique et successive du rituel et de la loi. Les pontifes, nous l'avons vu, sont d'abord ceux qui délivrent de manière oraculaire les rituels à observer avant de devenir les gardiens des lois. L'attachement à la lettre et à la fixité du texte qui marque les débuts du légalisme est pourtant une manière de conserver quelque chose de la stabilité des rituels. Il y a en effet dans la mise par écrit de la loi ce que la grande et regrettée romaniste Marie-Thérèse Fuggen a justement appelé une force explosive. Cette force se donne à voir dans le bourgeonnement des gloses qui donnent au texte original l'aspect d'un noyau atomique ayant déclenché une réaction en chaîne d'interprétation. Et cette réaction devient incontrôlable lorsque le libre jeu des interprétations n'est plus encadré par la fixité du texte. Et c'est alors l'idée même de loi qui se trouve menacée. Au lieu d'être un cadre stable qui confère un sens commun à l'activité des hommes, elle les entraîne dans une dérive de non-sens, un peu comme le ferait une maison dont le sol deviendrait mou et dont les murs ne cesseraient de se déplacer. Ayant pendant des années eu à suivre les évolutions du droit de l'emploi dans ce pays, par exemple, cette métaphore me venait souvent à l'esprit. Et tous les grands législateurs, depuis Solon, qui quitta Athènes pendant 10 ans après lui avoir donné des lois pour s'interdire d'y revenir et de les modifier, jusqu'à Portalis, ont été très conscients, nous l'avons déjà dit, de ce danger d'un hubris législatif qui finit par ruiner l'idée même de loi. Et c'est contre cette hubris qu'entendaient lutter les Burkinabés qui choisissent de traduire la notion de constitution par le terme « tenku gri » qui désigne un interdit qui échappe à la volonté humaine. Il s'agit donc de soustraire le texte à ce caractère fluctuant qui nous fait perdre tout repère fixe. Alors, on peut douter qu'une société, malgré cette lecture historique d'un passage des rituels vers la loi et d'une loi fixe vers une loi flottante, on peut douter qu'une société puisse survivre longtemps à la fois sans règles stables et sans rituels. Dans les États totalitaires du XXe siècle, le mépris du légalisme, de la légalité, du droit, est allé de pair avec un usage exacerbé de rituels, souvent référés à une histoire mythifiée. Les grandes entreprises sont jetées par la globalisation dans une sorte de vide institutionnel. Elles ont vécu pendant longtemps sous le parapluie de l'État, celui-ci se refermant plus ou moins. Elles sont affrontées à une situation nouvelle et elles sont très friandes de rituels. Et l'on peut voir ainsi dans le dernier film produit par Pierre Legendre, Imperium Mundi, on peut voir Bill Gates danser sur scène lors du meeting organisé chaque année par Microsoft pour célébrer ses résultats financiers. Donc, les grandes entreprises fabriquent elles aussi des rituels. Et à vrai dire, même des sociétés aussi déritualisées que les nôtres et même aussi animées par une véritable haine du rituel n'ont pas encore renoncé au rituel funéraire, fût-il devenu d'une extrême rusticité. D'une tragique rusticité. C'est en tout cas une hybridation du ritualisme et du légalisme qui a présidé en Chine à l'enracinement des institutions impériales qui ont perduré donc du IIe siècle avant notre ère jusqu'au début du XXe siècle. Cette symbiose est à l'œuvre dans de nombreux ouvrages classiques chinois sur l'art de gouverner qui se sont efforcés de tempérer par le ritualisme, la dimension que nous verrons, qui est proprement totalitaire, du légisme à la chinoise, et qui est un très bon exemple de ce légalisme tempéré par un retour au ritualisme. Aujourd'hui encore, le légisme continue de percer sous le vernis confucianiste qui enduit l'économie socialiste de marché de la République populaire de Chine. Alors, il est vain, rentrons dans la doctrine légiste, qui a été le fait d'ailleurs plutôt de commerçants, exaspérés par l'hypocrisie des mandarins. Et il est vain, selon les légistes, de tabler sur la vertu, car en réalité, le réalisme nous oblige à voir l'être humain tel qu'il est, c'est-à-dire comme un être foncièrement égoïste. Par conséquent, pour les légistes, les confucianistes ont tort de prétendre que l'harmonie sociale pourrait résulter de la diffusion, au moyen de l'observation des rites, de la vertu du prince dans le cœur de ses sujets. Alors, cette idée est omniprésente dans les schèmes confucianistes. Il faut un prince vertueux. Je pense qu'on avait déjà cité « s'il est droit, tout marche droit. S'il est tordu, il a beau commander, rien ne va ». Vous vous souvenez peut-être de cette citation. C'est typique de la vision confucianiste, dont on a des équivalents dans la tradition, par exemple, de l'esprit public à la française. Un corps de hauts fonctionnaires intègres et la garantie que jusqu'au plus humble facteur, eh bien, la machine de l'État fonctionnera dans l'intégrité et l'efficacité. Ce schéma, disent les confucianistes, repose sur une illusion. Ce n'est pas la diffusion au moyen de l'observation des rites de la vertu du prince qui produira l'harmonie. Et contre Mencius, qui affirme que la nature humaine, comme l'eau, coule de haut en bas, donc on a cette idée que la vertu se diffuse de haut en bas, les légistes affirment que le peuple suit son intérêt comme l'eau suit sa pente. Donc, premier pas, il faut prendre acte de cet égoïsme fondamental. Et la question du gouvernement, puisque c'est la question que nous nous posons cette année, consiste donc pour eux à se demander plutôt comment mettre l'égoïsme au service du prince et de l'État. Un bon exemple de ce problème, cité par les auteurs légistes, est celui qui se pose sur un champ de bataille. L'intérêt individuel de chaque soldat est de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Pour qu'ils ne le fassent pas, il faut, d'une part, déplacer leur peur sur un autre objet que l'ennemi, en châtiant leur fuite d'une manière à la fois certaine et cruelle. Et d'autre part, exciter leur engagement au combat en récompensant leurs exploits. Ainsi parviendra-t-on, disait le légiste, je cite la formule, à donner du courage aux couards. La loi est ainsi conçue comme une technique de conditionnement des réflexes d'intérêt. Rejetant les rites comme moyen d'assurer ordre et unité, les légistes vont s'appuyer sur ce qui, chez les confucéens, n'a qu'une fonction subsidiaire et ne vise que les êtres trop frustres pour se gouverner eux-mêmes, la loi pénale et le châtiment. Donc, xing, le châtiment, et fa, la loi. Nous allons voir comment ces notions vont se combiner dans la doctrine légiste. En chinois, le mot « xing » signifiait à la fois le châtiment et la forme. Le châtiment est en effet entendu comme « réforme ». Cette réforme peut être physique, ce sont les marques physiques. Ben, le violeur, on va le castrer, donc on le réforme. Celui qui a volé, on l'ampute. Enfin, vous connaissez ce type de peine physique qui marque sur le corps du supplicié à la fois la nature du crime dont il s'est rendu coupable et l'empêche de le commettre pour l'avenir. Cette réforme peut être aussi symbolique et s'exprimer dans le port de certains vêtements infâmes. Le mot fa, d'où les légistes vont tirer leur nom, désignait dans les textes anciens la loi du ciel, c'est-à-dire le modèle que doit imiter le roi saint. Autrement dit, la loi universelle. Dans sa graphie archaïque, le sinogramme Fa se composait de trois éléments représentant respectivement, premier élément, l'eau parfaitement plane, symbolisant l'idée du droit et du juste. Deuxième élément, c'est dans la graphie archaïque, celle que vous avez ici, c'est la graphie moderne. un élément signifiant expulser, avec l'idée qu'on expulse ce qui n'est pas droit. Et le troisième élément était un pictogramme représentant une licorne dotée du pouvoir de détecter ceux qui n'ont pas agi de façon droite. Alors, la constitution de la doctrine légiste a résulté d'un rapprochement du Xing et du Fa, et a pris ce nom lorsque cette loi, devenue universelle, n'a plus seulement été assortie de châtiments, mais aussi de récompenses. L'art du gouvernement consiste à user, nous disent les textes légistes, de ces deux manettes, que sont les récompenses et les châtiments. Collège de France et France Culture vous présente Alain Supiot, autre point de vue sur la loi, ritualisme et légalisme. Donc, le prince n'a besoin que de deux manipules pour contrôler ses sujets. Vous avez deux manettes, vous êtes comme à bord d'un avion. Les châtiments et la récompense. Ce que j'entends par là, les premiers signifient la mort, les seconds, les honneurs et les richesses. La nation redoutant les châtiments et tirant avantage des largesses du souverain, il suffit à celui-ci d'en user judicieusement pour que tous craignent la rigueur et se tournent vers le profit qu'il consent à octroyer. Vous voyez que la loi est conçue ici, par les légistes, sur le modèle d'une machine placée entre les mains du souverain et qui lui permet de faire régner l'ordre en jouant sur les seuls moteurs de l'agir humain que sont la cupidité et la peur. Ce sont les deux choses qui motivent profondément les êtres humains. Cela n'exige pas de la part du souverain de faire preuve de ruse ou d'intelligence, ni d'exhiber son pouvoir, mais bien au contraire d'occulter celui-ci afin de mieux faire corps avec cette loi impersonnelle et abstraite. Pour qu'elle fonctionne, il doit pouvoir compter sur les yeux et les oreilles de tous ses sujets qui s'épient mutuellement et se rendent ainsi transparents à ses yeux, tandis que lui-même demeure inaccessible au regard. Autre citation du Tao du Prince, « Un monarque digne de ce nom fait en sorte que l'Empire tout entier soit ses yeux et ses oreilles. » C'était avant Internet et Twitter et tout ça. Bien qu'ils vivent retirés au fond d'un palais aux galeries sinueuses, rien sur la terre n'échappe à son regard pénétrant, nul ne trompe sa vigilance. Donc plutôt qu'un prince, on pourrait dire que le souverain légiste est un principe. C'est le principe d'une loi qui convertit l'égoïsme en facteur d'ordre. Alors le rapprochement s'impose ici évidemment avec la foi contemporaine dans la main invisible du marché. Dans les deux cas, cette indexation de l'ordre sur des réflexes d'intérêt s'accompagne de l'occultation des lieux du pouvoir, c'est la main invisible du marché, ou plus précisément de l'immersion du pouvoir dans un système généralisé de conditionnement des comportements. L'on pourrait dire de notre marché autorégulateur ce que Jean Lévy dit du souverain légiste, qu'il ne présente jamais à autrui que, dit Jean Lévy, c'est une très belle formule, le miroir poli du néant. Les forces du marché pourraient tomber sous la même métaphore. Avec cette différence, toutefois, capitale, près, nous y reviendrons, que pour les légistes, l'ordre ne procède pas spontanément de la libre poursuite par chacun de son intérêt individuel, mais bien au contraire de la contrainte implacable que le prince fait peser sur eux en usant de la loi pénale. pour devenir cet instrument de conditionnement des réflexes d'intérêt qui préside à toute espèce de comportement de tout être humain, la loi doit nécessairement satisfaire deux conditions que nous allons, sur lesquelles je vais m'arrêter un instant, l'objectivité et la généralité. Tout d'abord, l'objectivité. C'est le sens de la fixation des lois dans des codes rendus publics. Les premiers codes chinois datent du VIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle on a commencé de graver les lois pénales sur des vases tripodes. Auparavant, ces lois étaient consignées dans des annales qui n'étaient accessibles qu'aux seuls magistrats. Le recours à ces grands vases était d'autant plus commode qu'on pouvait y mettre à bouillir les contrevenants et que l'on voyait donc d'un même coup d'œil le texte et sa sanction. On pourrait faire des rapprochements avec, vous savez, dans l'imaginaire de Kafka, dans la colonie pénitentiaire, où c'est dans l'application même de la sentence que le supplicié accède à la conscience de la règle qu'il a enfreinte. Alors, cette publication, sauf que dans le cas kafkaïen, la loi reste mystérieuse, c'est dans son fort intérieur, il va la découvrir, alors que là, elle doit être visible de tous. Cette publication soustrait la loi aux interprétations subjectives des magistrats. C'est la raison pour laquelle elle sera critiquée par les confucéens qui lui reprochent de saper leur autorité et de démoraliser la nation en substituant le code à la morale. Ce qui est très frappant, c'est que ce mouvement de codification intervient à peu près à la même époque, en fait un siècle avant, et d'une manière un peu comparable, avec la loi des 12 tables dont nous avons parlé à Rome, c'est-à-dire avec, là aussi, adoption et promulgation de tables de la loi rendues publiques sur le forum romain. Mais à cette différence essentielle près, que la publication des lois par les légistes ne visait pas à satisfaire une revendication de la plèbe, mais à restaurer l'autorité de l'État. Aussi n'a-t-elle pas donné le jour à un droit au sens occidental du mot, c'est-à-dire à un droit porteur de droits subjectifs. Elle a donné naissance à des lois qui demeurent des lois de facture pénale. Le chinois classique ne connaît d'ailleurs pas cette notion de droit subjectif. On le traduit aujourd'hui par le mot « quan », encore une fois, indulgence s'il vous plaît pour ma prononciation, qui désignait le pouvoir exercé au moyen de la loi par le prince seul. Quan, ce sont justement ces deux manipules décrites par Han Fei Tse, c'est-à-dire les châtiments et les récompenses. Les légistes les ôtent des mains des fonctionnaires lettrés pour les confier au seul souverain. Au fond, le souverain légiste est le seul à avoir des droits. Les autres, la population, n'a pas de droits. Ils sont conditionnés. Autre différence, c'est que cette publicité de la loi ne va pas de pair avec une quelconque intangibilité. Alors, c'est un point, là aussi, dont vous allez voir la grande modernité de ces théories légistes, enfin, si on n'a pas peur de quelques anachronismes. La loi étant conçue par eux comme un pur instrument de pouvoir entre les mains du souverain, se trouve soumise à un impératif d'efficacité et non pas de justice. La loi n'exprime pas un ordre juste immanent. C'est une technique de manipulation du comportement humain. Elle ne tire donc pas sa valeur de principes moraux, qui ne sont jamais que des impostures, masquant les intérêts personnels de ceux qui les professent, mais elle tire sa valeur de la connaissance des choses. C'est la raison pour laquelle la loi doit évoluer au fil du temps et tenir compte des changements de conjoncture et de l'expérience de sa mise en œuvre. Dans les écrits, dans le livre de la pénétration du mystère, on peut ainsi lire « Un sage souverain modifie les lois en fonction des exigences des temps et adapte les rites à l'évolution des mœurs. Vêtements et ustensiles doivent être adaptés à l'usage qui en est fait, de même que la législation doit être appropriée à la société. C'est pourquoi il n'est pas toujours mauvais de changer les règles anciennes, ni toujours judicieux de les conserver. » Vous noterez ici l'assimilation de la loi à des ustensiles. jamais en Occident jusqu'à l'époque contemporaine. La loi n'a été aussi totalement assimilée à un outil de pouvoir, à un ustensile de la même espèce qu'une scie, un marteau ou une casserole. Ainsi fondée sur l'efficacité, la loi des légistes n'admet pas en revanche la contradiction, puisque sa référence n'est pas la justice mais l'efficacité, ce qui est plus efficace exclut nécessairement ce qui est moins efficace. C'est une idée que nous retrouverons chez Condorcet et bien sûr dans la doctrine contemporaine du Law and Economics, qui la systématise en disant qu'il faut mettre les produits législatifs en concurrence pour faire émerger le meilleur, et que justement le meilleur chasse le moins bon. Le meilleur étant le plus efficient. Cette efficacité suppose non seulement que la loi soit connue de tous, mais qu'elle puisse être comprise par tous. L'ordre légiste s'adresse d'abord aux êtres les plus frustres et se défie de l'intelligence. Voilà ce qu'on peut lire dans un classique cité par Léon van der Mersch. Le peuple est facile à gouverner car il est bête. La loi peut y pourvoir, qu'elle soit claire et facile à comprendre, et elle fonctionnera nécessairement. Donc l'efficacité de la loi suppose là une grande rusticité. Donc voilà ce que signifie l'objectivité de la loi chez le légiste. Venons-en à son deuxième caractère, la généralité. Ainsi conçue comme technique de conditionnement par les peines et les récompenses, la loi pénale est généralisée à toutes les personnes et à tous les domaines de la vie sociale. Cette généralisation s'exerce tout d'abord, on dirait en latin, ratione personae, c'est-à-dire à raison des personnes. Dans la tradition confucéenne, on disait que les nobles étaient exemptés des peines mutilatoires, car ce sont les rites qui les forment de l'intérieur et pas les peines de l'extérieur. Et on affirmait que les rites ne descendent pas jusqu'aux gens du commun et que la loi pénale ne monte pas jusqu'aux plus nobles. Eh bien, les légistes vont au contraire affirmer l'absolu généralité de la loi, c'est pourquoi ils vont faire bouillir, ils vont faire brûler les lettrés dans leur livre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors j'ai un passage assez long, mais il exprime bien cette idée de généralité. Les châtiments doivent s'appliquer aux plus hauts dignitaires et les récompenses couronner même les roturiers. La loi et elle seule met un terme au désordre, muselle le mensonge, retranche les excédents, corrige les fautes, uniformise les conduites. Les châtiments et eux seuls asservissent les fonctionnaires, effraient les particuliers, font reculer le stupre et la paresse, mettent un terme aux mensonges et à la duperie. Des sanctions implacables interdisent aux citoyens de se prévaloir de leur dignité pour usurper les prérogatives royales. Des lois claires rehaussent la position du prince, le rendant invulnérable. Jouissant d'une autorité incontestée, il sera fort, il tiendra l'essentiel. Donc, toute la population, sans aucune exception, est soumise aux mêmes rigueurs de la loi et a accès aux mêmes récompenses. Et cette généralisation s'exerce aussi rationnée matériée, la technique législative s'étendant à tous les aspects de la vie sociale, y compris à ceux qui, à nos yeux, relèvent d'autres types de normativité, tels que les normes morales ou les normes techniques. Alors, c'est un point qu'il est important aussi de comprendre parce que ça a une grande actualité, cette manière de percevoir les choses. Nous avons déjà vu en examinant l'étymologie du sinogramme fa que la loi chinoise est placée sous le signe de l'eau. À l'image de l'eau, vous savez, la liquidité, si importante aussi aujourd'hui dans les modèles du droit financier. À l'image de l'eau, dont le niveau marque la surface plane et symbolise l'équité, la loi indique de façon impartiale la ligne droite et trace la ligne de partage entre le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Mais elle est aussi placée sous le signe de l'eau en ce qu'elle irrigue tout le corps social. Procédant du taoïsme, comme je l'ai dit, qui voit dans l'eau sans forme une entité primordiale proche du Tao, les légistes considèrent que la loi est engendrée par le Tao. Selon la formule, la voix engendre la loi. La loi n'est nullement pour eux le fruit d'un contrat entre sujets libres et égaux, mais diffraction dans la société du jeu de force à l'œuvre dans le Tao. Il y a un ancrage dans les forces de l'ordre naturel dont la loi des légistes n'est que l'expression politique. Jean Lévy observe ainsi que le dispositif institutionnel grâce auquel la loi imprègne et irrigue le corps social est fourni par la répartition de la population en unités territoriales, emboîtées les unes dans les autres, où les mœurs sont façonnées au plus bas échelon, la brigade, par la responsabilité collective et la surveillance mutuelle. Ce type d'organisation de la population en quartier avec des surveillants est quelque chose qui est demeuré jusqu'à nos jours dans le système chinois. Ainsi diffusé dans tout le corps social et relayé par un système de surveillance généralisé, la loi est à la fois vecteur d'ordre et d'efficacité. Ces deux aspects se combinent s'agissant de l'organisation du travail, qui est tout entière livrée à la loi pénale et où toute frontière s'efface entre normes morales, normes disciplinaires et normes techniques. Léon van der Merch en donne un exemple qui est particulièrement frappant, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui concerne l'introduction de nouvelles techniques agricoles destinées à augmenter le rendement des terres dans le royaume de Wei, qui était l'un des principaux royaumes de la Chine de l'époque. Comment donc les légistes mettent-ils en œuvre une réforme technique ? À Wei, au troisième mois au moment de la célébration du culte, les officiers des services agricoles donnaient lecture de la loi aux paysans. On réunit les paysans, on leur lit la loi. Que dit la loi ? La loi disait « Si vous labourez sans enfoncer entièrement le socle dans la terre, votre labour n'ameublira pas le sol. Dans les champs au printemps, aplanissez la terre comme un drap pour planter. Dans les champs en été, rassemblez-vous pour le travail aussi nombreux que les canards. Dans les champs en automne, veillez sans relâcher votre défiance. L'imprévisible arrive comme un voleur. Dans les champs en hiver, espionnez-vous, comme s'examinent réciproquement les gens de vous et de you. Si vous n'avez obtenu qu'une récolte de la dernière, de la plus basse qualité sur des champs de la plus haute, de la première qualité, vous serez châtié. Si vous avez obtenu une récolte, ça c'est les objectifs, ça s'appelle le management par objectif. Si vous avez obtenu une récolte de la plus haute, de la première qualité sur des champs de la plus basse, de la dernière qualité, vous serez récompensé. Alors on ne peut effectivement s'empêcher de penser que ces textes étudiés par d'érudits sinologues sont de nature à nous aider à comprendre l'actualité la plus brûlante relative aux conditions de travail dans les entreprises chinoises telles que Foxconn, qui fabrique nos iPhones, selon les mêmes méthodes de management. Nous y reviendrons, mais il faut d'abord noter ce qui rapproche et ce qui distingue cette conception de la loi de celle dont nous avons retracé l'histoire dans la tradition occidentale. Elle partage avec elle les idéaux d'objectivité, d'égalité, de généralité et de pragmatisme. Mais elle s'en distingue par trois traits essentiels. Premièrement, l'absence de droit individuel opposable. La lex ne se combine pas ici à un ius qui serait susceptible de prérogatives pour les individus. Deuxièmement, l'englobement dans la sphère législative de ce qui relève en Occident de la théologie, de la morale ou de la technique. Et troisièmement, l'indexation de la loi sur un critère d'efficience et non de justice. La doctrine légiste a été défendue par des marchands et des commerçants excédés par l'arrogance et l'hypocrisie des mandarins et par une situation politique anarchique incompatible avec la prospérité économique. Il n'est donc pas surprenant que leur conception de l'être humain ait beaucoup de points communs avec l'homo economicus occidentale et la philosophie utilitariste. 20 siècles après les légistes, les utilitaristes verront à leur tour, dans la recherche de l'intérêt individuel, le seul vrai moteur du comportement humain. Mais eux penseront que c'est la libre poursuite de cet intérêt qui est la mieux à même de faire surgir l'harmonie sociale. J'ai déjà cité ce texte séminal du libéralisme qui est la Fable des abeilles de Mandeville, première édition 1714. C'est l'histoire d'une ruche dont les abeilles, une ruche prospère, dont les abeilles se convertissent soudain à l'honnêteté, vous imaginez, et qui du coup sombre dans l'ennui et la pauvreté. La morale qu'en tire Mandeville était le traducteur des fables de La Fontaine en anglais, donc il veillait à ce qui est toujours une petite morale, est que « Quittez donc vos plaintes, mortelles insensées, en vain vous chercherez à associer la grandeur d'une nation avec la probité, il n'y a que des fous qui puissent se flatter de jouir des agréments et des convenances de la terre, d'être renommés dans la guerre, de vivre bien à son aise et d'être en même temps vertueux. Abandonnez ces vaines chimères, il faut que la fraude, le luxe et la vanité subsistent si nous voulons en retirer les doux fruits. » Et il continue, « Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. » Mandeville est très entendu aujourd'hui. « L'idée d'un tel ordre spontané du marché est évidemment centrale chez Adam Smith lorsqu'il écrit en 1776 dans « La richesse des nations », ce passage célébrissime, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Dany Robert Dufour, philosophe, linguiste, a récemment mis en évidence les racines religieuses de cette idée d'une conversion automatique des vices privés en bénéfices publics. C'est le sous-titre de la Fable des abeilles, vices privés, bénéfices publics. Selon lui, cette origine, c'est la foi dans une divine providence qui rachète en quelque sorte l'imperfection des hommes pour les conduire vers le salut. Sécularisée sous les espèces de la main invisible du marché, cette foi dans la providence conduit à ériger les libertés économiques individuelles en clé de voûte de l'ordre juridique. Donc cette racine théologique et cette foi dans les vertus miraculeuses de l'égoïsme était en revanche complètement étrangère au légisme qui véhiculait une conception purement ontologique du monde venue du taoïsme. Les légistes ont certes de l'homme la vue désenchantée d'un être mu exclusivement par l'avidité et la peur, qui n'est pas sans rappeler celle de l'utilitarisme moderne, mais ils ne pensaient pas que la libération des désirs et des passions puisse conduire à autre chose qu'au chaos. Selon eux, laisser libre cours à l'égoïsme individuel ne conduit pas à l'harmonie, car l'égoïsme enferme dans le temps court du calcul d'intérêts et rend aveugle aux intérêts à long terme, ceux de la collectivité, mais aussi les siens propres. Il porte, disait-il, l'égoïsme, à se conduire comme l'enfant qui refuse qu'on lui rase la tête pour lui épargner les poux. Dès lors, le système des lois ne peut être fondé que sur le désir des récompenses et la crainte des châtiments. C'est un système unifié et impersonnel, visant une autorégulation de la société. Il s'applique à tous, n'opère pas de distinction entre ce que nous appellerions normes juridiques, normes morales, normes techniques. C'est donc cette doctrine légiste, sur cette doctrine qui a été fondée le Premier Empire en 221 avant Jésus-Christ, et elle a continué d'exercer une influence durable lorsque les dynasties suivantes se sont réappropriées le confucianisme. J'en viens à quelques remarques conclusives sur cette petite expédition dans la Chine des débuts de l'Empire. Une telle analyse suppose nécessairement de regarder la globalisation autrement qu'avec les lunettes de la tradition occidentale, qu'il s'agisse des lunettes du libéralisme économique ou de celles du marxisme. Le cas de la Chine contemporaine est de ce point de vue incontournable, compte tenu de la place centrale qu'elle a acquise en peu d'années sur la scène mondiale. Or, son mode de gouvernement ne se laisse enfermer dans aucune de ces deux visions occidentales du monde, libéralisme et marxisme. Comment dès lors caractériser ce mode de gouvernement et son rapport à ce que nous appelons l'état de droit ou le rule of law? Quelle est la nature de ce régime de la Chine contemporaine? Revenir au légisme ne suffit évidemment pas à répondre à cette question, mais cela permet au moins de formuler quelques hypothèses qui pourraient être testées par des travaux collectifs associant les savoirs d'érudition, les recherches sur la Chine contemporaine et le droit comparé. Je peux m'abriter ici derrière l'autorité d'un éminent sinologue, Christopher Schipper, selon lequel l'influence du légisme est demeurée prépondérante jusqu'à nos jours, la référence au classique du confucianisme servant surtout à donner un air d'humanité à un pouvoir demeuré foncièrement étatiste et bureaucratique. Sur cette base, je me risque donc à formuler les deux hypothèses suivantes. Première hypothèse, l'analyse comparative des traditions occidentales et chinoises du gouvernement par les lois est de nature à éclairer la manière différente dont les uns et les autres perçoivent la globalisation. Pour les gouvernements occidentaux, et tout spécialement pour les Européens, la globalisation signifie l'extension au monde entier d'un ordre spontané du marché que les États ne doivent pas contrarier, mais bien au contraire relayer et mettre en œuvre, et dont les seules bornes sont la reconnaissance universelle de quelques droits fondamentaux reconnus à tout être humain. Pour le gouvernement chinois, au contraire, un ordre fondé sur la seule poursuite des intérêts individuels est voué au chaos. Ce dont on peut s'accommoder aisément à l'étranger, mais pas en Chine même, où cette poursuite des intérêts individuels doit être mise au service de l'intérêt national par un État fort qui, dans le même temps, incite à l'enrichissement, surveille étroitement sa population et sanctionne sévèrement tout écart à l'ordre politique établi. Seconde hypothèse, déjà avancée dans mes travaux antérieurs et sur lesquels nous aurons aussi l'occasion de revenir, c'est que le nouvel ordre du monde né de l'effondrement du communisme réel, ne doit pas être interprété comme une victoire de l'Ouest sur l'Est, de l'État de droit sur le totalitarisme, etc., mais plutôt comme le lieu d'une hybridation du communisme et du libéralisme, c'est-à-dire de ce que la Constitution chinoise appelle une économie socialiste de marché. Et ce système emprunte à chacun des deux systèmes précédents. J'ai ainsi terminé sur le chapitre sur la Chine. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 28 février 2013, autre point de vue sur la loi, ritualisme et légalisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Réalisation Milena Elik, mixage Bernard Laniel. Présentation, Meryl Moneghetti. Lundi, Alain Supiot débute un nouveau volet après le gouvernement par les lois. Il interroge la gouvernance par les nombres et il ouvrira cette semaine avec le rêve d'harmonie par le calcul. Belle journée à l'écoute de France Culture.